Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone, et vous aurez peut-être entendu dernièrement qu'un nouvel homo a été découvert aux Philippines. Il s'appelle Homo luzonensis et il s'ajoute ainsi à la liste des ancêtres ou cousins de l'homme. Alors, est-ce que cela nous permet d'y voir plus clair dans la lignée humaine et sur les origines de l'homme? Eh bien, on va en parler avec Cyril Barrette, qui est professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval. Bonjour Cyril. Bonjour Valérie. Alors cet homo luzonensis, en fait, est-ce que c'est une nouvelle espèce réellement dans le genre homo? À chaque fois qu'on trouve un nouveau fossile d'homininé ou d'hominine... Oui, en fait, c'est quoi? Il faudrait peut-être commencer par là, homininé, hominine. Homininé, c'est... On est un peu perdu. Oui, mais si on fait un graphique en forme d'Y avec à la fourche le dernier ancêtre commun que nous avons partagé avec les chimpanzés actuels, l'espèce vivante la plus proche de nous, toutes les branches qui ont émergé après ce dernier ancêtre commun, donc dans les derniers 6 millions d'années ou à peu près, les australopithèques, les homos, etc., ce sont les hominines. Donc, c'est une sous-famille qui inclut l'humain. Mm-hmm. D'accord. Donc là, vous étiez en train de dire Homo luzonensis, c'est une famille dans... une espèce parmi les hominines. Voilà. Mais la première question à se poser à chaque fois qu'on trouve un nouveau fossile, c'est à quelle espèce est-ce qu'il appartient? Oui. Ça peut paraître facile parce qu'en biologie, la définition biologique de l'espèce, c'est l'ensemble des individus qui peuvent donner des descendants fertiles. Évidemment, on peut l'utiliser, cette définition, celle qu'on préfère, avec les espèces vivantes et non pas avec les fossiles. Donc, avec les fossiles, c'est dur. Ça serait un peu difficile. Donc, avec les fossiles, on est limité à une définition morphologique. Donc, on regarde les différences dans la forme du crâne, des dents, du reste du squelette, parce que c'est les squelettes qu'on trouve, les crânes et les dents. Et là, plus ou moins arbitrairement, on définit la démarcation entre les espèces en fonction de l'importance ou la profondeur ou le nombre de différences qu'on voit entre des caractères qui seraient partagés ou des caractères qui seraient exclusifs. Donc, à chaque fois qu'on trouve un nouveau fossile, évidemment que les découvreurs eux-mêmes, les auteurs des articles qui décrivent le fossile, désirent avoir découvert une nouvelle espèce. Ils veulent avoir le crédit pour une nouvelle espèce et non pas simplement un nouvel individu dans une espèce connue ou simplement une sous-espèce. Donc, fait plus de bruit dans les médias. Ça fait beaucoup plus de bruit dans les médias. Et donc, c'est toujours compliqué de savoir est-ce qu'on considère que c'est une nouvelle espèce ou non. Et surtout parce que, comme dans ce cas-ci, on a quelques spécimens qu'on pense appartenir à trois individus. Oui, c'est pas beaucoup. On a un palais avec quelques dents, avec un os du pied qui est assez révélateur quand même, un fragment de fémur. Donc, à partir de ces spécimens, c'est très difficile de savoir s'il s'agit d'une nouvelle espèce ou non. Surtout que deux des problèmes majeurs qu'on a pour déterminer si c'est une nouvelle espèce, c'est le dimorphisme sexuel. On sait si on trouve le squelette, par exemple, du géant Beaupré par rapport au squelette d'une ballerine, on pourrait être tenté de dire, voilà, il y a tellement de différences de taille que c'est deux espèces différentes. Et de toute façon, même à l'intérieur d'un même sexe, c'est une espèce, il y a une grande variabilité. Ben oui. Mais cette variabilité-là, on n'y a pas accès si on a simplement des spécimens de deux ou trois individus. Mais justement, comment on fait pour savoir si, quand on rencontre, par exemple, un fémur de ce Homo luzonensis, comment on fait pour s'assurer que ce fémur est différent des fémurs des autres? On a un échantillon assez grand pour pouvoir faire des analyses un peu statistiques? Oui, on a un échantillon assez grand d'un certain nombre d'autres espèces. Puis évidemment, on a un échantillon très grand de Homo sapiens, notre espèce à nous. Mais dans la grande majorité des cas, comme dans celui-ci, on a seulement quelques spécimens. Donc, pour attribuer un nom d'une nouvelle espèce comme les auteurs l'ont fait, il faut avoir un très grand nombre de différences ou des différences profondes. Alors, par exemple, il faut qu'il y ait des différences majeures, particulièrement dans la forme des dents ou dans le nombre de dents. Et chez les hominines, il y a toujours le même nombre de dents, c'est 32 comme chez nous. Donc là, c'est plutôt dans la taille et dans la forme des dents. Et là, les auteurs disent clairement qu'il y a très peu de différences au niveau des dents. Il y a une des différences sur lesquelles ils se fondent pour attribuer une nouvelle espèce, c'est le nombre de racines des prémolaires. Alors, chez cette espèce, avec les quelques spécimens qu'on a, il y a entre 2 et 3 racines aux prémolaires, alors que chez nous, il y en a 1 ou 2. Alors, vous voyez que c'est pas grand-chose, ça paraît pas grand-chose. Donc, il va y avoir une discussion très intense dans la littérature pour savoir est-ce qu'on est justifié de faire de ce nouveau spécimen une nouvelle espèce ou non. Donc là, il y avait suffisamment de critères, comme ça, les dents, le fémur, ils avaient suffisamment de critères pour dire c'est une nouvelle espèce. C'est ce que les auteurs pensent et c'est ce que j'imagine que les reviseurs de l'article qu'ils ont publié dans Nature et les éditeurs de la revue Nature ont conclu qu'il y avait suffisamment de différences. Mais ça va faire l'objet d'âpres discussions dans les prochains mois, dans les prochaines années, comme à chaque fois qu'on trouve un nouveau fossile. Oui, parce qu'on a eu déjà ce genre d'histoire avec l'homme de Flores. L'homme de Flores. Mais l'homme de Flores, là, il y avait tellement de différences que... Mais même là, il y avait des discussions, parce que l'homme de Flores était ce qu'on a appelé le hobbit. Mm-hmm. C'est un homininé, tout à fait bipède, avec les mêmes caractéristiques, plusieurs caractéristiques anatomiques que les nôtres, mais de très petite taille, avec un cerveau qui était moins volumineux. Mm-hmm. Donc là, la question de savoir, est-ce que c'est vraiment une nouvelle espèce, ou est-ce que c'est une forme naine d'Homo erectus, mm-hmm. l'homme de Java, par mm-hmm. exemple? Inévitablement, les discussions ou les définitions, les démarcations des espèces vont être partiellement arbitraires. Donc, il faut s'entendre sur la démarcation de l'espèce. Si on dit à tel degré de différence, on considère que c'est une nouvelle espèce, on s'entend ou on ne s'entend pas là-dessus, donc on en discute. Mm-hmm. Donc, quand on dit c'est une nouvelle espèce, Homo lusonensis, bien ça, c'est le désir des auteurs qui l'ont découvert. Ouais. Mais le désirer, ça suffit pas. Oui. Effectivement, il va y avoir encore des discussions sans doute. Puis j'imagine que comment on les appelle, les paléo-anthropologues vont espérer trouver d'autres spécimens pour pouvoir avoir un échantillon un peu plus vaste ou avoir d'autres arguments. Bien sûr. Ouais. Et ce qui serait intéressant dans ce cas-ci, si ça s'avère être une nouvelle espèce, c'est que ces fossiles-là sont relativement récents, entre 50 et 60 000 ans. Ouais. Donc, ah, ça oui. veut dire qu'ils sont contemporains d'Homo sapiens, de nous. Ouais. Ils sont contemporains de la fin de Néandertal. Donc, ça veut dire qu'à cette époque, il y avait plusieurs espèces d'humains, si on veut, qui vivaient en même temps sur la planète. Ouais. Ben ça faisait partie un petit peu de ma question suivante, en fait. Est-ce qu'on a des indices pour trouver où est-ce qu'ils s'imbriquent dans les origines de l'homme? Donc, apparemment, ils ne sont pas dans la lignée. C'était plutôt des cousins de Homo sapiens à l'époque. Si c'est une nouvelle espèce, ce serait des cousins très, très proches, très semblables. Mais la chose qu'on s'interdit de dire en paléontologie en général, et particulièrement en paléoanthropologie, c'est que cette espèce-là serait un ancêtre de l'humain. Mm-hmm. On n'est jamais justifié d'identifier un fossile comme étant un ancêtre. Il faut faire notre deuil de ça. Alors, à chaque fois qu'on trouve une nouvelle espèce, on dit, ben voilà, c'est un chaînon dans la chaîne des humains et c'est un ancêtre mm-hmm. de l'humain. C'est un des ancêtres mm-hmm. de l'humain. Alors qu'il y a beaucoup plus de chances que ce soit un cousin ou un cousin plus ou moins lointain qu'un ancêtre. On ne sera jamais certain de l'identité des ancêtres. Et pourquoi? Et parce que pour être absolument certain de l'identité de l'ancêtre, pour reconstruire un arbre généalogique, mm-hmm. il faudrait avoir l'ADN. Ah oui. Il faudrait avoir mm-hmm. les gènes. Nous pouvons construire notre arbre généalogique mm-hmm. récent parce qu'on a l'information par la tradition orale ou par mm-hmm. les registres des naissances ou par un test génétique au besoin. Mais toutes ces informations, on ne les a pas pour les fossiles. Donc, c'est très tentant de dire, voici, on a trouvé un nouvel ancêtre de l'humain, mais on ne peut jamais être certain. Tout ce qu'on peut dire au sujet des ancêtres, c'est que parmi les espèces connues dans les fossiles, quelle espèce a plus de chances d'être un ancêtre? C'est une question de probabilité. Alors, par exemple, on sait que Lucie est très probablement sur une branche latérale. Elle n'est pas sur la branche qui a mené à l'humain. Mais que Homo erectus est probablement un ancêtre de l'humain parce qu'on se ressemble beaucoup. Il y a plein de caractères communs. Donc, on prend des caractères morphologiques, là. On se fie sur la morphologie. On n'a pas le choix. Ouais. Alors, si je donne l'exemple de Lucie, par exemple. Lucie, Australopithecus afarensis, vivait autour d'il y a 3 millions d'années. On a découvert Lucie en 74. De 74 à 95, à 3 millions d'années, Lucie était la seule espèce dominine qu'on connaissait. Ah oui. Et comme elle a des caractères intermédiaires, si on veut, entre les grands singes et nous, par exemple, elle a un cerveau de la même taille mm-hmm. que celui des chimpanzés, mais elle est bipède comme nous, bien, on disait, voilà, Lucie, c'est la candidate idéale mm-hmm. pour être une ancêtre. Donc, on disait, Lucie était l'ancêtre de tous les hominidés, tous les hominines qui ont suivi, tous les autres australopithèques, etc. Tant qu'on connaissait seulement cette espèce il y a 3 millions d'années, c'était facile de conclure que c'était l'ancêtre. Mm-hmm. Autrement dit, on avait une vision linéaire là, d'ancêtre à descendant. Maintenant, on connaît 5 ou 6 espèces il y a 3 millions d'années. Donc, elles ne peuvent pas toutes être l'ancêtre de l'humain. Ah. Et il n'y en a peut-être aucune de ces 5 ou 6 qui est l'ancêtre de l'humain il y a 3 millions d'années. C'est peut-être une autre espèce qui est encore inconnue. Donc, vous voyez, on ne connaîtra jamais les ancêtres. Mm-hmm. On va continuer de parler d'ancêtres, mais on ne peut pas les connaître. Mm-hmm. Tout ce qu'on peut dire, c'est le degré de parenté. Donc, on arrive à reconstruire non pas une série linéaire d'ancêtres et de descendants, mais on arrive à construire un buisson avec un grand nombre de branches. Et donc, on ne peut pas construire un arbre généalogique qui parle de qui descend de qui. Mm-hmm. On peut seulement construire un arbre phylogénétique, comme on dit, qui est un arbre de parenté, mm-hmm. qui est plus ou moins parent avec qui. Donc, on se limite à ça, un arbre de parenté, non pas un arbre de descendant, d'ancêtre descendant. Mm-hmm. Mais ceci dit, bon, donc cette Homo luzonensis, donc qui était contemporaine d'Homo sapiens et de l'homme de Néandertal, c'est pas parce qu'ils vivaient au même moment qu'ils étaient vraiment parents. On ne peut pas en déduire le degré de parenté non plus. Non, non. La façon de déduire le degré de parenté, c'est par le partage de certains caractères dérivés. Ouais. Alors, si on a des dents de la même forme, puis si on a le trou occipital qui est par où passe la moelle épinière, qui est ventrale, donc qui permet d'être bipède, bien, on dit, bien voilà, il était bipède. Donc, si on trouve un fossile bipède, puis il y a un autre qui ne l'est pas, bien, celui qui est bipède a plus de chances d'être proche parent, d'être un cousin plus proche de nous que l'autre. Donc, c'est par la distribution des caractères morphologiques, osseux, partagés, qu'on arrive à construire un arbre. Et cet arbre de parenté qu'on construit est toujours une hypothèse de parenté. Mm-hmm. Parce qu'une analyse subséquente d'espèces qu'on connaît ou la découverte d'une nouvelle espèce va changer la forme de l'arbre de parenté. Donc, c'est toujours une hypothèse, mais une hypothèse qui est testable scientifiquement. Donc, ça, c'est une donée qui est relativement solide, ce qu'on appelle un cladogramme ou un diagramme de parenté. Mm-hmm. Mm-hmm. Et est-ce que, étant donné qu'ils ont vécu dans des époques semblables, est-ce qu'il y a pu avoir du métissage? C'est une question très intéressante. Jusqu'à il y a quelques années, 10 ou 12 ans, on pensait que la lignée humaine, comme chez d'autres espèces, était relativement simple, c'est-à-dire des ancêtres. Parce que de toute façon, l'origine de l'homme a toujours procédé par une succession d'ancêtres descendants. Donc, il y a une généalogie. C'est juste que nous, on ne peut pas reconstituer la généalogie, mm-hmm. on peut reconstituer seulement la parenté. Mm-hmm. Donc, pendant de très longues années, on se disait, ben voilà, c'était relativement simple. Une espèce qui donne naissance à la suivante qui donne naissance à l'autre. Donc, il n'y a pas de mélange. Maintenant qu'on est capable d'analyser le génome, qu'on a analysé le génome de l'humain actuel, de Néandertal, mm-hmm. de Cro-Magnon, de ce qu'on appelle les Denisoviens qui vivaient aussi en Sibérie, dans le sud de la Sibérie, et qui étaient contemporains de l'humain, mm-hmm. on se rend compte qu'il y a eu des mélanges. Mm-hmm. Donc, là, ça peut paraître paradoxal si on définit l'espèce biologique comme l'ensemble des individus qui peuvent donner des descendants fertiles. Mm-hmm. Puis là, on dit qu'il y a plusieurs espèces qui se sont mélangées. Est-ce que ce sont vraiment de vraies espèces ou des sous-espèces? Mm-hmm. Ce qui est certain, c'est que Néandertal a mélangé ses gènes avec nos ancêtres à nous, Homo sapiens, et avec les Denisoviens, dans probablement tous les sens possibles, dans toutes les directions possibles. Et ces espèces ont pu le faire parce qu'elles étaient très proches parentes. Elles mm-hmm. étaient très proches de leur point d'origine ou de bifurcation dans le graphique forme d'Y. Okay, ouais. Donc, c'était des espèces semblables. Un peu comme chez les espèces de nos jours, comme on a déjà parlé, par exemple. Le loup, le coyote et le chien domestique. Ouais. On considère que ce sont trois espèces valides. Ça ne remet pas en question leur statut d'espèce, ça ne remet pas en question le concept d'espèce non plus. C'est simplement que ce sont des espèces jeunes qui sont encore suffisamment proches mm-hmm. parentes pour pouvoir mélanger des gènes. Mm. Donc, on sait maintenant que nous sommes des métis. L'humain actuel, Homo sapiens, on est un mélange de gènes d'Homo sapiens, de Néandertal, de Denisovien et probablement d'autres espèces qu'on ne connaît pas encore. Mm-hmm. qu'on n'a pas encore découvert. Mmh. Donc, ça veut dire que depuis le moment où peut-être ça s'est séparé, en tout cas, où ils étaient coexistants et où ils se sont métissés, il ne s'est pas passé suffisamment de temps pour avoir une identité propre? Probablement. Pas suffisamment de temps et pas suffisamment d'isolation génétique des unes par rapport aux autres. Parce que pour qu'une espèce devienne vraiment isolée des autres, faut que cesse l'échange de gènes. Tant qu'il y a des échanges de gènes, même si c'est à des niveaux très, très faibles, il suffit qu'un individu d'une autre population, appelons-le d'une autre race ou d'une autre sous-espèce, s'accouple avec un des membres de l'espèce en question. Puis là, ces gènes-là, s'ils sont très viables, peuvent persister longtemps. Ouais. Donc, vous et moi, qui sommes d'origine d'ancêtres qui viennent d'Europe, on a dans notre génome entre 1 et 4 % de gènes de Néandertal. Donc, ces gènes-là ont persisté depuis au moins 30 000 ans, puisque Néandertal est disparu il y a à peu près 30 ou 35 000 ans. Alors maintenant, la question qu'on se pose toujours aussi, en tout cas souvent, quand on prend conscience que plusieurs homos ont coexisté à la même époque, comment ça se fait que seul Homo sapiens ait survécu, soit encore là? La réponse est très simple, on n'en a aucune idée. C'est que si on regarde, si je reviens sur le petit graphique que j'essayais de dessiner à la radio tout à l'heure, en forme d'Y avec un nœud il y a 6 millions d'années, puis deux branches, une qui va du côté des chimpanzés, des gorilles, puis l'autre qui va du côté de l'humain. Du côté de l'humain, on connaît présentement, disons, 25 espèces d'hominines, donc 25 espèces d'australopithèques et de homo. Et c'est une des grandes questions qu'on se pose. Pourquoi est-ce que toutes les espèces ont disparu, sauf nous? Et là, on n'a pas de réponse. Peut-être qu'un hominine, en général, c'est une espèce qui est fragile. Ça, c'est peu probable. Donc, peut-être que parce que ces espèces-là sont fragiles pour une raison quelconque, elles ont tendance à disparaître parce que l'espèce humaine est relativement jeune. L'espèce humaine a, disons, pour simplifier, 200 000 ans. Puis c'est jeune, ça, pour une espèce? C'est très jeune pour une espèce. Donc, 200 000 ans, c'est très, très jeune. Donc, on n'a pas encore fait la preuve que notre espèce pouvait durer longtemps. Donc, les autres, comme Homo erectus, par exemple, a duré plus d'un million et demi d'années par rapport à nous. Ah oui. Et Lucie a duré autour de 1,5 million d'années. Donc, 200 000 ans, c'est très, très jeune. Donc, peut-être que les espèces dominines en général, y compris nous, et là, il y a peut-être un avertissement pour nous. Peut-être que ce sont des espèces fragiles. Mais j'hésite un peu à avancer cette idée parce qu'on n'est pas le seul groupe de mammifères qui a été décimé de cette façon-là récemment. Si on pense au groupe des éléphants, par exemple, qu'on appelle les proboscidés, les mammouths, etc. Présentement, on connaît seulement deux espèces. Mais si on remonte il y a quelques millions d'années, on connaît jusqu'à une centaine d'espèces. Donc, ce groupe-là a été aussi décimé pour une raison ou pour une autre. C'est un grand mammifère aussi, avec un cerveau développé. Il y a peut-être une piste d'explication là. Ou une autre explication, c'est peut-être qu'un hominine, c'est trop intelligent. Dans le sens qu'avec le grand cerveau qui est développé chez les australopithèques et chez les homos, peut-être que pour une raison qu'on ignore, ça nous empêche de s'adapter suffisamment. Ou ça paraît paradoxal ce que je dis là, où ça nous fait évoluer trop rapidement pour notre capacité d'adaptation. Mais là, je suis en train de spéculer complètement, j'ai aucune idée. La question est tellement intrigante. Qu'est-ce qui fait que sur 25 espèces, il y en a seulement une qui a survécu? Puis quand on dit 25, ça c'est celle qu'on connaît, il y en a peut-être une centaine. On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, ben alors chacun va spéculer de son côté. Et si on regarde maintenant des espèces, cousines un peu plus éloignées, comme les chimpanzés ou les gorilles, est-ce que c'est des modèles de nos ancêtres aussi? Non, pas du tout. Et ça, la question est intéressante parce qu'on dit souvent l'homme descend du singe. Mais il y a une interprétation de cette phrase qui est vraie et l'autre qui est fausse. C'est vrai parce que l'espèce humaine descend de certaines espèces, de certaines autres espèces de grands singes. Ça, c'est établi. Mais c'est faux dans le sens que l'humain ne descend pas des singes actuels. On a longtemps pensé. Parce que si on regarde encore une fois mon graphique en Y, du côté de la branche des chimpanzés et des gorilles, on ne connaît aucun précurseur du chimpanzé et du gorille. Ça, c'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Je pense que ça a trait au milieu écologique dans lequel ils vivent, les forêts tropicales humides qui ne favorisent pas la fossilisation, où on ne cherche pas au bon endroit, où on a été malchanceux. On les a cherchés, au moins? On les a cherchés. Ben oui, on les a cherchés parce que ça permettrait de beaucoup mieux comprendre notre histoire à nous si on connaissait l'histoire de nos cousins très proches. Donc, donc comme on n'a pas de précurseurs du chimpanzé et du gorille actuel, on a tendance faussement à penser que le chimpanzé et le gorille ont toujours été comme ils sont présentement, qu'ils n'ont jamais évolué. Alors que le nœud, encore une fois, du graphique qui nous sépare des chimpanzés est à 6, moins 6 millions d'années. Mais pendant que nous, on évoluait pendant 6 millions d'années sur notre branche, ouais, les chimpanzés évoluaient aussi, eux aussi. Ouais. Donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que le chimpanzé et le gorille actuel ne sont pas des bons modèles de ce dernier ancêtre commun, donc de notre ancêtre très lointain. Il y a une espèce qu'on connaît beaucoup, très bien maintenant, parce qu'on a trouvé beaucoup de fossiles, qui s'appelle Ardipithecus ramidus, qui vivait il y a 4,4 millions d'années. Et cette espèce-là, qui est sur la branche qui va mener à l'humain éventuellement, ça, c'est un bien meilleur modèle que le chimpanzé et le gorille. C'est des animaux qui avaient un cerveau assez développé, qui étaient bipèdes, mais qui étaient d'excellents grimpeurs aux arbres. Par exemple, leur gros orteil, le pouce du pied, est tout à fait opposable comme si c'était une main. Donc, ils étaient bipèdes, mais équipés pour marcher, grimper dans les arbres. Ça, c'est probablement un bon modèle du dernier ancêtre commun et de nos ancêtres lointains. Mais il faut se débarrasser de l'idée que le chimpanzé et le gorille seraient un modèle. On est tenté de penser ça. Mais parce qu'ils nous ressemblent, on les regarde dans un jardin zoologique, puis ils font les mêmes grimaces que nous, alors on se dit... Les mêmes grimaces qu'eux. Oui, c'est ça. Rapidement, là, disons, dans les deux dernières minutes, il y a un autre point que vous vouliez aborder, c'est les quatre niveaux de connaissances en paléanthropologie. Il y a quatre niveaux de connaissances. D'abord, les squelettes qu'on trouve, donc les crânes, les dents et les outils en pierre, par exemple. Ça, ce sont des données très solides. Ensuite, à partir de ces données, comme on expliquait tantôt, on essaie de construire un arbre de parenté pour savoir qui est le plus proche parent de qui. À partir de l'arbre de parenté, on essaie parfois de construire un arbre généalogique. Qui est l'ancêtre de qui? Ça, c'est très hypothétique, puis c'est très spéculatif. Et enfin, on essaie, évidemment, les questions qui nous intéressent le plus, c'est comment ces gens-là vivaient dans le passé. On veut reconstruire des scénarios qu'on appelle d'écologie comportementale. Puis ça, on peut en avoir une idée avec les ossements ou les outils. On peut avoir une petite idée avec les ossements par la comparaison, la biomécanique. Le milieu dans lequel on les retrouve. C'est ça, les fossiles associés qu'on trouve, on peut avoir une certaine idée, mais c'est très limité. Ce que je veux dire d'important, c'est que des squelettes et des outils qu'on trouve jusqu'au scénario, on fournit de plus en plus d'informations, mais la valeur scientifique diminue. Ça veut dire que les outils, les squelettes, les dents, tout ça, c'est très solide. Les arbres de parenté, c'est de la science qui est réfutable, qui s'améliore, c'est des hypothèses. Alors que les scénarios qu'on peut inventer, il suffit d'être un bon conteur, puis on peut raconter la vie amoureuse de Lucie à partir d'une dent et d'un fémur. Vous comprenez? Donc là, évidemment, on est dans la spéculation pure. Donc, on cherche, puis on veut, puis on fournit de plus en plus d'informations, mais avec une solidité scientifique qui diminue. Bon, ben alors on va retenir ça. Puis ben, je vous remercie beaucoup à Cyril de nous avoir débroussaillé le buisson de nos origines. Je ne sais pas si on est débroussaillé, mais en tout cas... Je ne suis pas sûr non plus, parce que c'est comme toujours en science, plus on a de données, plus l'histoire est compliquée. Exactement. Donc merci beaucoup Cyril. Puis je rappelle que donc Cyril Barrette, que vous êtes professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval.